Força da reserva. Je crois que tu es mort, Saddam Hussein. Je suis ton père, Saddam Hussein. Salam alaikum. Salam alaikum, mon frère. Je suis désolé, je suis un peu malade. Je la vois un peu enroulée. J'ai besoin d'un tunnel. Thank you.